وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. هكذا السلف زاده لأنهم يكونسين importance de la جماعة et ils savaient que une جماعة sans gouverneur c'est pas une جماعة. Obligé d'avoir un guide qui démontre, qui applique le hudud, qui instaure des règles avec le kitab ou le sunna. Wallahi alhamd, le pays devient stable. فلهذا أحمد بن حنبل الإمام كذلك الفضيل ابن عياض من أئمة السلف et d'autres, ils disaient si j'ai un dua, je suis sûr qu'il est exaucé, je le ferai pour le gouverneur. Pourquoi? Il y en a, il sait que le gouverneur, si yastaqim ala tariq, toute la umma va en profiter. Il sait que le gouverneur, s'il est préservé, il est guidé, tout le monde en profitera. Bi'idhnillahi jalla wa ala. Hakada nahnu nakoun. On reconnaît cette ni'ma, on fait tout pour appliquer. Hada l'ijtima', on appelle au haq, on conseille et on fait tout pour s'écarter des causes de la division. Léanna, ça contredit cette ni'ma. Enfin, notre din, c'est un din de rahma. C'est un din de khayr. Il appelle à tous les biens. Même si les kuffars, ils essayent de démontrer l'inverse. Et bien sûr, on répète, ar-rujou' ila l'ulama. Kadhalik, ça préserve le jama'a. Ar-rujou' ila l'ulama, l'obéissance au hukam, ça préserve une communauté. C'est une communauté stable. Amma, les gens, ils ne reviennent plus aux savants. Ils obéissent plus à leurs dirigeants. Il délaisse le kitab ou le sunnah. Qu'est-ce que tu vas espérer? Qu'est-ce que tu vas espérer? Le premier adou qui vient, il fait tout, il divisera ha'oula. Et ça, c'est un des moyens que le kuffar ils utilisent. Ils écartent les gens de l'ulama, de leur gouverneur, ils les appellent à la rébellion, thumma, ils les laissent s'entretuer entre eux. Et al-kafir, il regarde. Il n'a même plus besoin d'intervenir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays. L'il-asaf. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.